morceau emblématique, c'est Duke, J-U-K-E. Et je lisais un truc sur Muddy Waters cet après-midi, comme quoi il n'y a pas de hasard. Quand Muddy Waters est arrivé à... J'allais en venir à Muddy Waters. Ouais. Quand il est arrivé à Chicago, donc, il avait un pote qui s'appelait Jimmy Rogers, qui sera son guitariste pendant de longues années. Et c'est à un coin de rue, comme ça, qu'ils ont remarqué cet harmoniciste qui jouait avec un harmonica amplifié. Et ils se sont dit, ce mec, c'est vraiment un petit génie. Alors, le problème de Little Walter, c'est qu'il avait un tempérament à la con. Exactement. Il est mort, très bagarreur. Il est mort très jeune, ouais, dans une baston. C'était vraiment un cherche-merde, quoi. Un sale type, ouais. Voilà. Mais par contre, un des plus grands harmonicistes que la Terre ait porté, quoi. Et puis qui est encore une référence pour tous les bluesmen, tous les musiciens. Voilà, on peut parler aussi de Big Walter Horton ou de George Harmonica Smith. OK. Voilà, tout ça pour dire qu'on commence avec Little Walter, Marion Jacobs, de son vrai prénom. Et moi, j'ai choisi l'album Blue Lonesome, qui est en fait un album de réédition originale, suite à l'album qui avait sorti en 2017, les Rolling Stones, en hommage à tous ces grands bluesmen qui étaient Little Walter, Eddie Taylor, Magic Sam, Alvin Wolf et Little Johnny Taylor. Et voilà, la maison de disques a trouvé tout à fait logique de sortir l'original de ces titres. Eh ben écoutez, tu m'excuses David, vas-y. Mais si vous aimez Little Walter, procurez-vous les enregistrements de Chess Records ou ce qu'il a fait avec les Aces. Donc c'est des morceaux sublimes, un musicien d'un talent incroyable qui ne vieillit pas. Donc voilà, Little Walter sur le 89.5, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite. I'm blue and lonesome as a man can be. I'm blue and lonesome as a man can be. I don't have headaches over myself. My love is gone away from me. Baby, please come on back home to me. Pas de retour. Ouais, Véro. Ben, ça arrive, on discute et puis voilà. Ouais, Little Walter, donc sur cet album qui reprend un par un les titres enregistrés par les Rolling Stones sur l'album Blue and Lonesome. Exactement. Et vous avez les originaux, donc là, je ne sais pas qui était à la guitare. Ça peut être Buddy Guy, ça alors, peut être Magic Sam, on ne sait pas trop. Donc allez chercher. Ça peut même être Muddy Waters lui-même. Non, pas ce style de guitare-là. Mais bon, bref, on va pas. Bon, je l'aurais pas juré, mais on vérifiera. Tiens, ça fera un petit truc pour la prochaine émission. Eh ben, simplement Google recherche ce morceau, vous verrez le guitariste. Voilà, toi, t'es très Google, hein, Pascal. Exactement. J'ai oublié de parler un peu de ce qu'on allait voir pendant l'émission. On fera gagner les fameuses places pour le Rhino Jazz et la Nuit du Blues. Et puis on mettra des petits morceaux des deux protagonistes de cette soirée. Muriel, en fin d'émission, tu pourras passer un petit morceau qui te tient à cœur. Oui, pour que ça devienne un rituel avec Muriel. Voilà. Chaque fin d'émission, un morceau qui sera peut-être qui ne sera pas du blues. Pas du blues, non. Mais un coup de cœur. Mais un petit coup de cœur, oui. Un boogie, grand coup de cœur. Voilà, un boogie avec des petites rubriques, voire des sous-rubriques. Voilà. C'est une très bonne idée. On va enchaîner tout de suite avec un groupe qui nous est cher ici à Boogie. Il s'agit des Devil Joe and the Backdoor Men. Ou est-ce qu'on peut dire and the Backdoor Men? Ouais. Non, maintenant c'est Devil Joe. Ah, ok, il me semblait que ouais, sur les pochettes de disques notamment, il n'y avait plus que Devil Joe. Il y a un an à peu près, je ne dois pas dire de bêtises, c'est il y a un an que le disque est sorti. À peu près, ouais. À peu près, voilà. Alors, c'est le troisième album? Non, simplement, c'est un nouveau départ avec ce disque. Un album enregistré avec Anna, et puis le nouveau line-up avec lequel ils tournent dans toute la France. Ils étaient encore à Villedieu ce week-end dans le 84, dans cette région qui m'est chère. Ils ont mis le feu. Voilà, et partout où ils passent, avec cette nouvelle compo, cette nouvelle chanteuse, c'est vraiment énorme, quoi. Voilà. On peut simplement dire que, bah oui, le changement de line-up, c'est la nouvelle chanteuse. Et on va pas gâcher notre plaisir, on va écouter tout de suite le premier morceau qui est un des plus entraînants, A Better Plan For You and Me. C'est parti. Ça dépote. On va quand même citer le nom des musiciens. T'as raison, Pascal. à la voix Anaka, Lorenzo bien sûr guitare, backing vocal, harmonica, Vincent à la guitare et guitare acoustique, Jérémy toujours aux drums et Guillaume à la basse et au saxophone sur un morceau je crois. Ouais, il y a vraiment une entente incroyable entre ces musiciens. Ils vont tous dans le même sens, ce qui n'était peut-être pas le cas avant ce line-up-là, ce groupe-là. Et ça marche pour eux. Je suis très, très content. Ils ont bossé dans toute la France cet été. Et il y a encore des concerts à venir, je pense. Donc, voilà. Vous pouvez acheter l'album sur Internet. Bien sûr. Il y a des t-shirts, il y a du merchandising. Donc, ça va pour eux, quoi. Devil Joe et Lorenzo et toute la bande avec Anna. Voilà, on peut dire quand même qu'ils ont amorcé un tournant. Alors, c'est reprendre un peu ce que balance la presse rock, mais nous qui les connaissons bien, moi qui les ai vus l'année dernière à Unieux, pour un concert juste après la sortie de cet album, je peux dire sans prétention que oui, ils ont amorcé un virage et que ça joue vraiment, vraiment grave. Et la chanteuse a une putain de voix, voilà. On les recevra aussi, voilà, parce que je suis tombé sur Lorenzo. Il est OK pour venir faire une petite interview, peut-être en janvier, parce que Anaka, justement, sera dans le coin. C'est une personne très occupée qui a plusieurs projets. Et ce serait l'occasion ici de faire un nouveau spécial de Vidjo en présence des musiciens du groupe. Voilà, à nous d'organiser ça. Super chouette. Et un deuxième morceau. Un deuxième morceau, ouais, tout à fait. Eh ben Véro, tu vas nous balancer ça. Il s'agit de Let's Train. Let's go. In the depths of my darkness, I am drowning alone. Lost in this maze of addictions unknown. When I hear a distant sound, the license to be free, I'm born in the last race, calling out of me. Last train, take me away from my demons, out of the grave. I wanna find salvation to save my soul from temptation. Oh, Voilà. David Joe sur le 89.5 de Boogie. C'est sur des morceaux comme ça que je trouve qu'ils ont amorcé un virage. Oui, puis il a une capacité vocale incroyable. Exact. Une voix très très soul. Et puis il a d'autres projets, bien entendu, Anna. Donc, ouais, vraiment bonne pioche. Et puis c'est, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va dans le même sens que Laurent et toute la bande. Donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à venir, notamment un album en 2026. Voilà, j'allais parler de ça. J'ai cru lire quelque part, voilà, parce que tout ce qui les concerne, j'essaie de jeter un œil. Et qu'un album était en projet. Ouais, c'est ça. Super. Salut Laurent, on t'embrasse. On t'embrasse et on te dit à bientôt dans les studios. Et tu viens même pour faire une playlist, hein ? Ah bah oui, oui, il vient quand il veut. Il a participé à cette émission pendant des années et la porte lui est grande ouverte. Bon, et on va continuer donc en mode heavy blues aujourd'hui. Vous connaissez l'adage, si c'est trop fort, c'est que vous êtes trop vieux. Et comme dit mon copain Seb, ne me censurez pas s'il vous plaît. Hein ? Restez scotchés au 89.5. On va continuer avec les Dead Daisies. Un groupe qui s'est formé aux alentours de 2011-2012. Il y a eu énormément de changements de musiciens. Il s'articule aujourd'hui autour de Doug Aldrich, qui a travaillé avec Whitesnake, Ronnie James Dio. Donc et des Américains. Ouais, ouais, bien sûr. Et un groupe australo-américain à la base. Hein. Et Doug Aldrich, et le chanteur John Corabi, qui chantait avec Motley Crue. Tu vois, parler de Motley Crue dans une émission de blues, ouais, c'est quand même surréaliste. Et eux aussi ont eu l'idée d'enregistrer un album de reprise blues parce qu'ils font une espèce de hard rock teinté de blues et ils sont allés enregistrer ce disque dans les studios Fame à Muscle Shoals. C'est une petite bourgade du fin fond de l'Alabama qui a été fondée par Rick Hall en 1959-1960, donc dans une petite ville qui s'appelait Florence à la base, dans l'Alabama, donc qui était au-dessus d'une pharmacie. Et Fame, c'est ni plus ni moins que Florence, Alabama Music Edition. Ok, la contraction de... Voilà. Et ces musiciens sont devenus très, très, très célèbres. Hein. Si vous écoutez la chanson Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, il y a tout un couplet qui leur est consacré. Il y a une section de cuivre, des gens comme Aretha Franklin ont enregistré là-bas, Wilson Pickett, Greg Allman, Duane Allman, énormément, énormément de monde. Donc, Dead Daisies, ils font pas dans le doux et le sucré, c'est du gros son. Et on va écouter une reprise de Monsieur Muddy Waters qui s'appelle I'm Ready. Dead Daisy dans Boogie. Ça décoiffe, Pascal. Ouais, j'adore ce genre de blues hard. Et puis j'aime ce groupe, quoi. Leur hard rock, il est plutôt classieux, plutôt bien écrit. Et je vais quand même donner le nom des musiciens qui sont avec eux sur ce disque. Donc Doug Aldrich et puis Monsieur John Corabi. Entre autres, on peut faire remarquer que ça dansait dans les studios du 89.5. Eh ben, c'est très bien. Et j'espère que vous dansez chez vous, parce que les puristes, c'est le genre de truc qu'ils adorent détester. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, John Corabi à la voix, Doug Aldrich à la guitare, David Lowie à la guitare, Michael Devine à la basse et Sarah Tomek à la batterie. Et c'est produit par Marty Fredriksen, donc, qui est très connu aussi dans le milieu du hard rock. Alors, le seul reproche que l'on peut faire à ce disque, c'est qu'il n'ont choisi que des grands standards. Ils ne sont pas allés fouiller très loin dans le répertoire blues. D'accord. On retrouve par exemple Crossroad, Sweet Home Chicago. Ouais. Mon avis, simplement, c'est qu'il faut vendre. Et que Sweet Home Chicago, ça parle à n'importe quel fan de musique. C'est ça. Voilà, c'est exact, c'est ça. C'est peut-être ça leur trame, en fait, dans cet album. Ouais. Achetez-le, donc, enregistré au Fame Studio, donc Looking for Trouble, The Dead Daisies, et on va partir avec un classique qui s'appelle Little Red Rooster, que chantait magnifiquement bien Monsieur Orlin Wolf. Yeah. c'était Dead Daisies sur le 89.5 dans Boogie. Bon, bah là encore, quel ouais. claque. J'aime beaucoup cet album. Ils jouent vraiment le blues avec. Ils ont la passion pour le blues, on entend. Voilà, c'est très bien joué, c'est très bien repris. Ouais. Et puis ça claque, quoi. Ouais, ça claque, on Alors, reconnaît après, bien. Après, on connaît certaines personnes qui détestent ce genre de truc quand il y a un son énorme comme ça. Un son très électrique comme ça, ouais. Et les puristes ont horreur de ça, ouais, tu le disais. Moi, je vous invite à écouter un de leurs albums live qui s'appelle Louder Than Lockheed et qui est très, très, très bien. Il y a une ou deux reprises aussi au milieu du disque. Ces mecs-là méritent vraiment qu'on aille les voir et qu'on achète leur album. Surtout, vous ne téléchargez pas, ok, vous achetez les albums. Si vous n'avez pas d'argent, vous les volez. C'est ce qu'on dit toujours ici. C'est hein. ce qu'on Encore dit toujours mieux. Ici. Mais le téléchargement est une sorte de vol, de toute façon. Donc, voilà. Ouais, le débat pourrait être long. On continue, les amis ? Ouais, on continue. Allez. Alors, toujours en mode heavy, un groupe qui nous vient du Kentucky. Alors, le Kentucky est très connu pour son whisky, notamment. Hein. Ouais. Mais là, c'est les Blackstone Cherry. Ça doit parler à pas mal de hardos et de métalleux dans le coin. Ouais. Et ils ont fait deux mini-albums de reprises de blues, parce que c'est des fans. Et quand on écoute leur musique, on comprend aussi qu'ils aiment le blues. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Champagne and Reefer. Un peu de champagne et un joint. Ouais, le meilleur pour planer et pour être un peu... à la cool, tu vois ce que je veux dire. On voit ce que tu veux dire. Titre chanté par Muddy Waters, bien entendu. Et écoutez ce qu'en font les Blackstone Cherry sur le 89.5 Boogie Radio Joe. Radio Joe. Yeah. Blackstone, chérie. Yes. Ouais, ça aussi, Pascal, tu nous as complètement décoiffé avec encore... Ouais, j'aime beaucoup quand le blues est joué les potards à 11, ça, et avec des grosses guitares, puis c'est des mecs qui savent faire, quoi. Voilà, ils ont le blues dans la peau, ils ont grandi avec ça, même si leur musique originale, c'est plutôt dans le rock sudiste, hard rock, quoi. Ouais, et puis, une petite anecdote comme ça, reefer, donc c'est un joint, un bédo, voilà, je sais pas comment appeler ça, et dans le jargon jazz américain et l'argot noir, un fumeur de joint, on les appelle les vipers. Les vipères. Ah. Tu sais pourquoi ? Parce que quand ils avalent la fumée, on fait ce bruit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc voilà, c'est dans l'argot jazz, un fumeur de joint, c'est un viperman. Voilà, donc c'était Blackstone Cherry. Puis un petit bonjour à JB qui vient de nous envoyer un petit message, ouais. Petit message très très sympathique. Ouais. Bah, quand tu veux, JB à la radio. Hein, ouais, ouais, bien sûr, ouais, il est au courant déjà et je pense qu'il se fera, inviter un de ces quatre là. Ouais, ouais. Ouais, JB, c'est les Deep Down. Ouais, c'est les Deep Down. Donc on les a reçus plusieurs fois et ils sont les bienvenus. Voilà, qui hantent les scènes du département d'à côté. Le 43. On t'embrasse et on te dit à bientôt. On va enchaîner peut-être avec la programmation du Rhino Jazz. Alors, on n'a pas pu recevoir il y a une quinzaine de jours le programmateur qui s'appelle Monsieur Chazalon. Chazalon, voilà. On en est désolé, un problème de timing et d'organisation. Mais l'année prochaine, ce n'est que partie remise, voilà. C'est dans le cadre de notre collaboration et de notre partenariat officiel avec le Rhino Jazz. Il se trouve que toutes les années, on est associé à l'événement qui est la Nuit du Blues et qui a toujours lieu le samedi avant la fin du festival qui dure encore, je crois, jusqu'à début novembre. Hein, je crois. Ouais, on y est en plein dedans, là. Et puis le Rhino Jazz aime aller à droite, à gauche, dans toutes les petites villes nigériennes et c'est tout. Ça. C'est très, très intéressant. Puis la Nuit du Blues, chaque année, c'est énorme. Alors, on n'a pas les moyens de lister tout ce qui va encore passer dans le cadre du Rhino Jazz. Par contre, on peut vous dire que le soir de la Nuit du Blues, c'est-à-dire ce samedi, là, 18, il y aura Monsieur Robert Finlay et en première partie, Justina Lee Brown, que moi, je ne connaissais pas du tout. Peut-être un mot sur Robert Finlay, Pascal ? Oui, un petit mot, c'est un gars de la Nouvelle-Orléans, donc un peu comme Charles Bradley dans la soul music. Lui, dans le blues, il a été semi-professionnel jusqu'à ses 60 ans. C'est-à-dire qu'il travaillait et il jouait le soir dans les bars sans pouvoir vraiment gagner sa vie. Et je crois qu'il a été remarqué par... le mec des Black Keys, Dan Auerbach, qui l'a signé sur son label. Et il sort des albums les uns après les autres, je crois que c'est son deuxième ou troisième, qui marche vraiment bien. Il est venu au fil, il est venu pas mal de fois dans la région. C'est entre soul, gospel, blues, avec une voix de tête parfois qui est totalement impressionnante. Et c'est un vrai, vrai personnage, quoi. Voilà, avec son chapeau de cow-boy. Faut savoir que le personnage est aveugle, hein. Malheureusement, il a eu un glaucome, donc il l'a rendu dans cet état. Mais au moins, j'espère qu'il vit de sa musique. Maintenant, il est reconnu pour son timbre de voix très perché. Voilà, et on va passer une bonne soirée au Rhino Jazz. Donc, ouais. Il suffit d'appeler, puis vous avez deux places. Vous avez deux places si vous appelez pendant le morceau. On écoute tout de suite Soul on You. Soul out on you, sad but it's true. After all we've been through, soul out on you. You put me through hell, you got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm so out on you, sad but it's true. After all we've been through, I'm so loud on you. I don't understand. I'm in the heart of the city, and I still feel the pain. So light on you, sad but it's true. After all we've been through, I'm so light on you. I'm so Il s'agissait de Monsieur Robert Finlay avec cette voix très haut perchée. Oui, puis c'est de la soul. On sent que le mec, il souffre, quoi. C'est ça, le ouais, blues. Complètement, hein. Ouais. Il ressent sa musique, comme on dit. Alors, autre sa voix de tête, comme on dit, il y a tout dans sa voix. Il y a l'expression, il y a les sentiments, il y a le ressenti, il y a l'âme, il y a les tripes. Il y a exactement tout ce qu'on veut dans le blues. Je pense que vous allez passer un super moment avec Robert Finlay, ouais, au Rhino Jazz. Je l'espère. Il suffit d'appeler ce numéro et vous avez voilà, deux voilà, places. Parce que personne n'a appelé, mais c'est normal, on n'a pas donné le numéro. C'est encore une petite erreur de ma part. Il s'agit de composer le 04 22 91 98 68. Je le répète un petit peu plus lentement, 04 22 91 98 68, car le numéro a changé. Radio Dio. Voilà, alors sur Radio Dio. Et toi, oui, pardon. Oui, non, Muriel, tu voulais dire quelque chose à part. Pas du tout. Que tu te sens bien sur Radio Dio. Oui, voilà. Tu te sens bien dans Boogie. On est bien. Et bon, on va est continuer bien. Alors. On va continuer avec la première partie de Monsieur Robert Finlay. Il s'agit de Justina Lee Brown. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Véro non plus. Et elle a eu la gentillesse d'aller me chercher des morceaux sur les internets. C'est comme ça qu'on dit. Et on a découvert quelqu'un qui envoie de la soul avec une voix aussi assez détonnante. Je vous propose d'écouter tout de suite 10,000 Feelings. Let's go. Just all alone. Think thousand healings I've been caught between the blows. I don't know what to do or where to go. I'm out here, baby. You say the same thing. I called you lately to hear you say my name. every height of your mistake. You say you're sorry, but you don't seem to mean it. That's why you don't hear me. You just keep breaking me. But I gotta go, baby. I gotta go. Yeah, I gotta go, darling. 'Cause I don't know what to do, but I gotta go. Baby, I don't know how to move, but I gotta go. Justina Lee Brown. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? 04 22 91 98 68 pour choper 4 places pour la soirée du blues au Rhino Jazz, les amis. 4 places, mais pas 4 places d'un coup, hein, deux par deux. Hein. Exactement. 2 fois 2 places, on est bien d'accord. Exactement. Donc, ben voilà, on sera, Véro sera toute contente de vous répondre. Oh oui, elle sera contente. On continue? Ouais. Alors, ouais, après deux morceaux. Comme ça, c'est dur de continuer avec ma playlist Heavy Blues. Mais non, c'est le ping-pong musical. Exactement. on va revenir sur un tribute album à Hound Dog Taylor. Alors, je ne parlerai pas trop de ce musicien, on y reviendra dans les prochaines émissions. Il n'a simplement sorti que 4 albums dans sa vie, mort en 75 du cancer. C'est vrai. Mais il est repris ici par un groupe qui s'appelle Goat Mule. Alors, on parle souvent de Kenny Wayne Shepherd, de Joe Bonamassa, mais le guitariste de ce groupe-là est énormissime, c'est Warren Hayes. Alors, Goat Mule, c'est un groupe qui est capable de jouer du blues, du rock'n'roll, de partir sur un trip dub, dub reggae. Et parfois sur le même album. Voilà, revenir sur du Pink Floyd. Vraiment, ils ont un esprit ouvert, comme on aime ici à Radio. Ouais, c'est ça. Et Warren Hayes, vraiment un guitariste que je porte au nu, et cette version est très musclée de Hound Dog Taylor, ça s'appelle Gonna Send You Back to Georgia. We'll be right back. Wayne Warren de son prénom, donc énorme guitariste de Slide. C'est ça. Voilà, et puis il faut écouter ce qu'il a fait sur le dernier album des Allman Brothers Band, dont je ne sais plus le titre, il est sorti en 2003. Il a travaillé aussi avec le Grateful Dead. C'est vraiment un guitariste sensationnel. Puis je me suis souvent posé la question, pourquoi ce nom Goft Mule? Moi aussi, ça paraît étonnant. C'est simplement un hommage à Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quand les esclaves ont été affranchis, il leur a proposé et il a voulu à tout prix que chaque esclave affranchi ait une mule et un arpent de terrain pour pouvoir travailler. Okay. Donc le nom vient de là, Goft Mule, avoir une mule. Bon, tout ça pour dire que le président qui est arrivé après lui a rayé de la carte cette initiative. Hein. Les États-Unis dans toute leur splendeur. Tout à voilà. Fait, oui. Donc c'est un album en hommage à Hound Dog Taylor. Je reviendrai sur ce musicien, je vous l'ai dit, dans quelques semaines. Et puis on continue maintenant avec un grande voix du blues, de la soul, un monsieur qui s'appelle Paul Rodgers. Alors Paul Rodgers, c'est Kossoff avec le guitariste... c'est Free avec le guitariste Paul Kossoff, excusez-moi. Et puis c'est Bad Company qui avait été signé sur le label de Led Zeppelin. Okay. Et cet album s'appelle Muddy Waters Blues. Donc c'est un hommage à Muddy Waters, entre autres, mais pas uniquement. Vous verrez avec ce morceau, où on peut retrouver Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Steve Miller, Gary Moore, Trevor Robin, Richie Sambora de Bon Jovi. Ça d'accord. Peut paraître étonnant. Ça vient un peu de partout. Voilà. Et là, nous allons écouter une reprise d'un personnage qui s'appelait John Lee Sonny Boy Williamson, qui était harmoniciste et qui travaillait uniquement sur un label qui s'appelait Bluebird. Et qui fait partie des plus grands harmonicistes. Exactement. Que la Terre ait porté. Et Bluebird, ça a été un des premiers labels urbains de Chicago Blues. Et on va écouter son titre le plus connu, Good Morning Little School Girl. Donc, en lieu et place de l'harmonica, vous avez la guitare de Jeff Beck. School girl, can I go home with you? Tell your mom and your papa I'm a little school boy too. I can't help it, baby, I just can't help myself. You're so young and pretty, you love somebody. Everybody, Lord knows you're fine. I can't help it, baby, I just can't help myself. You're so young and pretty, you love somebody. Somebody nobody else. Good morning, little schoolgirl. Oh, can I go home with you? Good morning, little schoolgirl. Good morning, little schoolgirl. Can I go home? Oui, ça c'est bon. Ouais, on peut le dire. Et Jeff Beck à la guitare, putain, ce mec, il nous manque, quoi. Ouais. Parce que c'était vraiment un novateur, un incroyable guitariste qui n'est jamais resté sur ses acquis, Jeff Beck. Il a commencé avec du blues, du rock. C'est d'ailleurs, vrai. Il habitait très près de Jimmy Page et d'Eric Clapton. Tous les trois, ils habitaient dans le delta du Surrey, comme il dit. C'était pas le delta du Mississippi, mais le delta du Surrey, quoi. Et il faut savoir quand même que Jeff Beck, c'est lui qui a offert la fameuse Telecaster à Jimmy Page. Exact. De Led Zeppelin. Et c'est un guitariste qui est parti dans l'électro, dans la musique plutôt house, beaucoup, dans le rockabilly, beaucoup expérimenté de choses. Exceptionnel, un de ses derniers disques avant qu'il décède, c'était avec deux gamines qui avaient un groupe garage et il a décidé d'enregistrer avec elles, quoi. Donc respect pour cet énorme musicien. Ouais, c'était un performeur et aussi c'est quelqu'un qui a jamais été vraiment reconnu à sa juste valeur, à mon sens. Je pense que le commercial, il s'en foutait un petit peu de Jeff Beck, donc il partait dans ses délires et puis ses expérimentations. Ouais, c'est ça. Si ça marchait, tant mieux, sinon... Voilà, s'en foutait. Ce qu'il aimait, il faisait ce qu'il aimait en fait. Et c'est vrai que certains disques ont été des fours monumentaux, mais écoutez-les, quoi, parce que c'est vraiment génial. Et il y a un live au Ronnie Bird de Londres, le club, le Ronnie Bird, donc Ronnie Scott, pardon. Oh là là, là, okay. Là. Le Ronnie Scott de Londres. Parce que Ronnie Bird, il existe aussi. Oui, oui, non, mais il y a un live à choper sur internet, on le trouve facilement. Et okay. Puis vous verrez toute la classe de ce musicien, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, on continue si tu veux, puis après allez, on passera on sur quelques choix. On reviendra peut-être sur le Rocking Volley Tonight auquel j'ai participé. Ah, et bien sûr. Dansé là-bas, j'ai dansé. Je danse très mal le rock'n'roll, mais j'ai quand même essayé. Pour l'instant, je vous propose de partir avec Slash, un album dont je vous ai parlé la première émission, il y a trois... Ouais, je me souviens, ouais, on avait pris une claque monumentale. Voilà. Alors, pas mal de duos. Donc là, il est avec Demi Lovato, donc une chanteuse qui n'a pas grand-chose à voir avec le répertoire de Slash. Hein. C'est une chanteuse pop, mannequin, actrice, etc. etc. Il faut peut-être arrêter de penser que Slash est que le guitariste des Guns. Non. Il est bien autre chose. Et là, on va partir dans la soul music de Détroit avec la Motown. Un morceau qui s'appelle Papa Was a Rolling Stone qui a été un succès avec les Temptations. C'est donc vrai. Une espèce de funk soul psychédélique que Slash et Demi Lovato nous offrent sur un plateau. Died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. A jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama! Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women. Yeah. Flowers, Rolling Stone, dans une version complètement démente. La fille qui chante... Oui, c'est ce qu'on disait avec Magali Orantène. C'est une personne qui fait de la pop assez insipide, à mon goût. Hein, voilà. Et là, voilà, elle se défonce vraiment avec Slash pour chanter cette putain de chanson. Voilà. Papa was a Rolling Stone. Rolling Stone, c'est mon père est un vagabond. Ouais, c'est ça. Mon père est un va-nu-pied. Ouais, quelqu'un qui traîne la rue. Quoi. Voilà, qu'elle n'a jamais connu, comme ils le disent au milieu de la chanson, au début de la chanson. Et je voulais revenir sur la Motown. La Motown, donc, c'est des noms qui claquent dans tes oreilles, tu vois. C'est Smokey. C'est un son aussi. Voilà, c'est Smokey Robinson. C'est ça. C'est les Temptations. Stevie Wonder, Marvin Gaye, tu vois, c'est des titres que tout de suite ça te fait. Et puis c'est un son de studio typique, quoi. Ah ben on peut reconnaître parmi tant d'autres dès l'intro, souvent. On peut en parler si tu veux. Les musiciens de Motown, c'était des jazzmen qui jouaient dans les clubs et qui venaient enregistrer de la soul, donc pour eux une musique beaucoup plus simple, dans les studios de la Motown. Et qui était au cacheton, quoi. Au cacheton, et puis il n'était jamais cité sur les pochettes de disques. Le premier qui a voulu les citer à tout prix, c'est Marvin Gaye sur l'album What's Going On en 1969 ou 71. Et il y avait un bassiste extraordinaire, justement, tu me fais partir dans des trucs là. Non mais vas-y, parce que c'est intéressant. Il y avait un bassiste extraordinaire qui s'appelait James Jamerson, un des plus grands bassistes de l'histoire de la musique noire américaine. Et sur l'album de Marvin Gaye, What's Going On, ils ne savaient pas où il était. Ils ont été le chercher dans un club de jazz. Il était complètement déchiré, quoi. Il avait bu et tout, incapable de tenir sa basse. Donc, ils l'ont mis par terre, couché sur le dos. Ils lui ont mis la basse et le mec, il a enregistré toutes les lignes de basse sur le dos, comme ça, tu vois. Donc, ça prouve un peu les musiciens que c'était. Des anecdotes dont voilà. Tu as le secret. Et pour parler de ces musiciens, il y a un album qui est sorti, un DVD, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Standing on the Shadow of Giants. Okay. Donc avec des personnes comme Ben Harper qui reprennent des grands classiques de la Motown, ouais. Et tous ces musiciens qui étaient encore vivants à l'époque, eh ben sont là pour un hommage aux Funk Brothers, puisque c'est comme ça qu'on les appelait, les D'accord. Funk Brothers. Très bien, je te remercie. Et alors là vraiment, mais super. Peut-être qu'un jour on se lancera dans une spéciale Motown, mais alors là, ça va danser dans les studios encore plus que d'habitude. Ouais, j'ai besoin d'un coup de rosé. je te comprends. Je voulais revenir sur l'événement auquel j'ai participé en tant que spectateur. C'était samedi, c'était à Monistrol, Rocking Velvet Tonight, c'était la 6e édition, organisée par des bénévoles très très motivés. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de voir trois groupes devant moi qui étaient des vrais groupes de rock'n'roll. J'ai oublié leur nom, mais ouais, voilà. Il s'agissait des Martianes, le groupe belge qui a vraiment mis l'ambiance tout de suite avec beaucoup, beaucoup de reprises d'Eddie Cochran, de Chuck Berry, Little Richard et j'en passe et des meilleurs. Et a suivi après le groupe néerlandais Daddies to the Rescue avec la chanteuse qui m'a complètement bluffé. Il s'agit de Lady Laura, voilà, avec une voix très très haut perché, digne des chanteuses des années 40, hein, influencées par Big Joe Turner et Etta James, et qui chantait vraiment très très haut, et ça l'a vraiment fait, avec un big bang derrière et une section cuivre qui était incroyable. C'était très années 40-50, un rhythm and blues des familles, et ça a vraiment swingé et dansé, et on a fini par Franck Comtel, régional de l'étape, et qui a aussi mis une ambiance de malade, parce que lui, c'est un vrai, vrai, vrai rocker. Ouais, une belle soirée donc. Une très, très belle soirée. Voilà, peut-être qu'au niveau des entrées, ils ne s'y sont pas retrouvés. Je trouvais qu'il y avait un peu moins de monde qu'habituellement. Mais au niveau de l'ambiance, c'était beaucoup mieux que certaines éditions. Et ça, je les remercie. Je remercie les organisateurs et je fais un petit coucou à Pascal Cottier. Sans quoi tout ça n'aurait pas été possible, je pense. Voilà, donc on va s'écouter parce que j'ai entendu ça pendant cette soirée, le fameux tube de Little Richard, il s'agit de Lucille. Yeah. Voilà, Lucille, un des grands tubes. Ouais, un petit mot sur Little Richard. Bah, il faut se remettre dans le contexte. C'est sorti à l'époque où Eisenhower était le président des États-Unis. Ah, l'historique, donc, j'adore. Une Amérique très puritaine, tu vois. Carrément. Et quand ils ont vu ces déglingués arriver comme ça, taper comme des malades sur leur piano, tu vois, cette espèce de grande folle de Little Richard, à gueuler Lucille ou Tutti Frutti. Et à l'époque, il y avait Jerry Lewis aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et puis le public blanc disait non, il ne faut pas que nos enfants y dansent ça, quoi. C'est la musique du diable. C'est ça. Et il faut se remettre vraiment dans le contexte, parce que ça paraît anodin aussi. Perso, je trouve que ce genre de titre a toujours cette force, cette puissance. Ouais, une emprise terrible. Presque sexuelle, quoi. Carrément. Ouais. Et c'est ce qui était gênant à l'époque, dans cette Amérique très puritaine. Ah ouais. Ils ont eu de graves problèmes. Après, donc, Little Richard est revenu au gospel. Donc, une musique qu'il aimait aussi. Mais là, quand il chantait comme ça, maquillé comme une voiture volée. Mmh. Ouais, voilà, c'était un dingo, quoi. Voilà. Bon, on va passer à une nouvelle peu réjouissante. Pour ceux qui suivent les actualités rock et blues de la région, on a perdu un guitariste et harmoniciste de grand talent. Voilà, il s'agit de Monsieur Fred Bruce qui nous a quittés dans sa 60e année. Et on veut lui rendre un petit hommage ici. Moi, je l'avais connu dans sa prime jeunesse quand il avait été recruté par le 49 Blues Band, Gaspard, Puig et toute la bande à l'époque, et qu'il avait été plus ou moins le troisième guitariste et surtout l'harmoniciste, et qu'il avait été recruté d'une façon un peu bizarre, mais Gaspard en parle très bien, et il lui rend un bel hommage d'ailleurs à Fred. Et Fred, c'était un mec qui avait des qualités de musicien et puis qui s'était connecté avec les gens qu'il aimait aux États-Unis, qui avait été plusieurs fois aux États-Unis et qui avait pu faire venir et faire connaître un certain Maurice John Vaughan. Hein, tu confirmes? Oui, Donald Ray Johnson aussi. Voilà, Donald Ray Johnson, exact, qu'on avait pu voir il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la bouclée à la nuit du blues d'il y a 3 ou 4 ans. Et Fred Bruce, moi j'ai un souvenir d'un jeune harmoniciste. Bourré de talent, un mec un peu timide, et puis qui était aussi très gentil, et puis qui avait pu, avec Gaspard à l'époque, faire la première partie, alors qu'ils avaient qu'une vingtaine d'années, de Monsieur B.B. King, et c'était au Cahors Festival. Et voilà, depuis, j'avais suivi un peu sa carrière de loin, mais voilà, j'avais vu beaucoup de collaborations, et il était quand même apprécié du monde régional du rock et du blues. Oui, il faisait partie de ce monde blues ligérien avec Gas et tous ces gens-là, donc oui, il va manquer, bien entendu. Les hommages pleuvent sur Internet, c'est ça. Dont un très bel hommage de Gas. Qui respectait vraiment Fred Bruce. Ouais, voilà, c'est triste, 60 ans, ce n'est pas vieux du tout. Ouais, c'est pas vieux du tout, surtout que... Tu lui as choisi un morceau, je crois. Ouais, voilà, on va écouter une de ses collaborations... une de ses collaborations récentes, c'est pas grave, Véro, avec Elina Jones. C'est parti. Don't you feel like I'm crying? Monsieur Fred Bruce. Merci à toi, Elina Jones, et accompagnée de Fred Bruce, je vais y arriver, sur le titre Cry to Me. Je crois que ça a été enregistré à la Hall Club ou je ne sais plus non plus. Bon, peu importe, il y a beaucoup de prises, hein, il n'y a qu'à taper sur Google, justement. Ouais, et puis je pense sur YouTube. Ces albums sont disponibles. Voilà, il a accompagné assez longtemps pendant sa tournée Elina Jones, avec qui il s'entendait très bien. Et voilà, et encore l'année dernière, il tournait avec elle. Et le destin l'a rattrapé, comme on dit. Ouais, triste. Bon, voilà. La transition ne va pas être facile, non. Surtout avec ce qui arrive maintenant. Bon, eh ben écoute. Je vais vous parler d'un sauvage qui a des idées politiques dont je ne parlerai pas, parce que, voilà, il est assez extrême dans son délire politique, mais c'est un musicien complètement déjanté qui parfois arrive sur un bison sur scène. À Saint-Étienne, dans les années 70, il est arrivé en liane avec une peau de... Je crois simplement vêtu d'une peau de Tarzan. Je crois connaître ce personnage. Voilà, il joue avec une grosse Gibson Birdland. Il a des haches. Une guitare énorme. Il a des haches sur scène. Il a des haches sur scène, il tire à l'arc. Enfin, voilà. Dans tous ces paradoxes, c'est quand même un mec qui soutient l'écologie et qui soutient les natifs américains, quoi, les indiens américains. C'est ça. Pour le reste, on passe. C'est Ted Nugent, vous l'aurez reconnu. Et on reste à la Motown avec un classique dont il fait une boucherie industrielle, c'est Land of a Thousand Dances. Voilà, monsieur Ted Nugent dans Boogie. Oui, alors il avait un groupe garage dans les années 70 qui s'appelle les Amboy Dukes. Et il a continué avec son premier album qui s'appelait Cat Scratch Fever. Et puis jusqu'au début des années 80, des albums de hard rock classieux avec le double live Gonzo par exemple, ou ce live-là qui s'appelle Intensity Intensities. Avec c'est un toujours... jeu de mots anglais quoi, ouais, en fait, hein, avec que je peux toujours... pas traduire ici. Avec toujours des pochettes incroyables de disques. Ouais, voilà, bon maintenant je vois un peu ce qu'il poste sur internet où ce mec est vraiment assez extrême dans ses idées politiques, mais musicalement il m'éclate quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est un furieux. Et lui aussi il a grandi au son de la Motown, il est de Détroit quand même. Hein. Donc ville éminemment rock'n'roll comme on l'a dit il y a deux semaines. Ouais. Je voudrais vous parler d'un bouquin si tu veux bien, Dave. Mais il n'y a pas de problème. Un bouquin que j'ai relu récemment, donc qui est sorti il y a quelques années maintenant, par Philippe Thiers. Alors Philippe Thiers, on peut le lire dans Rock and Folk, on a pu l'écouter sur les radios diverses. C'est vraiment un spécialiste, un grand amateur de blues, un passionné. Et ce livre s'appelle Parcours Blues en 150 albums. Alors il existe la même chose avec le hard rock, avec la funk, les choses comme ça. Et Philippe Thiers, plutôt qu'une simple chronique de disque, sur chaque album chroniqué, il nous raconte la vie du musicien, ce qu'il a fait, où il était, et c'est très très très intéressant. Et c'est classé en plusieurs catégories. Le blues d'avant-guerre, blues urbain. C'est un vrai boulot de documentaliste. Voilà, mais c'est très agréable à lire, hein, c'est ludique. D'accord. Et puis ce n'est pas professoral comme certains dans le blues. Là vraiment, par exemple, moi je vous ai sélectionné six albums dont il parle. Alors par exemple, deux albums acoustiques. Son House, si vous voulez les choper, ben vous y allez. Donc Son House, ouais. Le père du Delta Blues, c'est comme ça que s'appelle le disque. Favor of Folk Blues, il est sorti chez CBS en 1965. Un autre, par exemple, c'est Bronnie McGee et Sonny Terry. D'accord. C'est Live at the Bunkhouse, c'est sorti chez Smash en 1965. Deux albums de blues féminin, parce que ça compte énormément. Les blues women sont les premières à avoir chanté le blues. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Alors, Laverne Baker, qui chante Bessie Smith, c'est sorti chez Atlantic en 1958. Memphis Minnie, les blues classiques, Our Lyre Records, 1974. Et deux autres albums, par exemple, Walter Wolfman Washington et Big Walter Checky Orton. C'est un référentiel de ce que lui... De ce que lui, il aime. Alors, le fan de blues, tu sais, c'est toujours pareil. Tu dis, oh putain, mais il a pas mis ce disque et tout. Eh bah oui, bien sûr. Et ouais, c'est un peu le jeu, quoi. Mais par contre, c'est très, très bien écrit. Et puis, vous saurez tout sur ces musiciens, sur leur vie et puis sur ces albums dont ils parlent. Parcours Blues en 150 albums, Le mot et le reste, par Philippe Thiers. Ok. Et on enchaîne avec Arnaud, je crois. Ouais, c'est ça. Arnaud et Rolling and Tumbling. Toujours une reprise. Tonight c'était Arnaud. Encore un mec qui nous manque. Ouais, un mec qui a fait tellement de choses. Incroyable, donc avec le punk, bien entendu. Puis je parle de ses albums blues avec Charles et Lulu. Je me rappelle de ça, ouais. De ce projet. Et cet album s'appelle Cover Cocktails, où il fait que des reprises diverses et variées. Hein. Il n'y en a pas tant que ça qui sont blues. Par exemple, La fille du Père Noël avec Beverly Joe Scott. Et moi, c'est un personnage que j'aurais toujours aimé interviewer, je n'ai jamais pu. Et en plus de ça, je n'ai jamais vu non plus. Quoi. Moi non plus, je n'ai jamais vu. Et c'est un gros regret. Voilà. C'était quelqu'un qui avait un éventail de choses et d'une intelligence rare. Quoi. Ouais. Et alors, ça va peut-être vous choquer, mais dimanche sur RTL, j'écoutais une interview de Mireille Mathieu. Non, mais attendez, oui, c'est pas fini, ça commence. Ça peut paraître choquant. Et elle a parlé d'Arnaud. Elle a parlé d'Arnaud parce que Arnaud rêvait de faire un duo avec elle. Et elle a longtemps hésité, vu le personnage parfois sulfureux, tu vois. Et finalement, elle a enregistré un titre avec lui et elle disait que c'était un personnage adorable. J'écoutais ça complètement estomaqué sur RTL et ça m'a bluffé. J'ai entendu la même chose de la part de Adamo qui disait que son duo avec Arnaud l'avait été un de ses grands moments de sa vie de chanteur. Ah, un personnage protéiforme qui partait dans tous les sens. Et il nous manque beaucoup, Arnaud. Ouais, c'est sûr, ouais. Et c'était un vrai rocker, un vrai bluesman aussi, quelque part. Quand il chantait pas du blues, voilà. Exactement. Ouais. Les yeux de ma mère, par exemple. Ouais, Les yeux de ma mère, c'est... Chanson magnifique. C'est du niveau Jack Brel, quoi. Voilà. Et on continue avec un déjanté notoire. Entre deux overdoses, il enregistre des albums avec Ministry ou d'autres projets. C'est Al Jourgensen sur un album de reprise. Alors, Ministry, c'est de l'indus, hein, c'est du rock. Écoutez, ouais, j'ai rien à dire. Écoutez, on écoute. Vous verrez. C'est parti. Roadhouse Blues. Tell you this, man. All I wanna do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames. Yeah. Voilà, les Doors revisités par Ministry et Al Jorgensen. Allez voir du côté de Surgical Met Machine, Buick Satan et je ne sais plus quoi, un projet plutôt country. Ouais. Mais on peut difficilement faire tempo plus voilà, rapide. Voilà, entre deux hospitalisations en psychiatrie, il enregistre des disques. Cet album s'appelle Undercover, il en a fait deux, où il reprend du ZZ Top, des grands titres du rock américain en fait. Il a l'air énervé comme garçon. Hein. Énervé, mais j'aime beaucoup le personnage. Ses interviews sont lunaires, psychédéliques. Attention, c'est du surréalisme, quoi. Du surréalisme, c'est le mot de la journée, surréalisme. Donc, comme on l'a dit au début de l'émission, les puristes du blues, là, ils vont appeler pour me mettre une balle dans la tête. Mais pour me faire pardonner, j'ai un album à faire gagner. Ah, voilà. Alors, on parlait des Devil Joe tout à l'heure, alors c'est une autre époque. Hein. D'accord. Tout à fait, c'est le tout premier album des Devil Joe avec le premier line-up. Moi, je l'offre parce que j'en ai un double. Puis l'album est très bon. Donc, on peut préciser que les places ont été gagnées, mais que vous pouvez appeler pour l'album des Devil Joe. Ouais, merci à Badji, je crois, qui a appelé. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et JB aussi, voilà. Voilà. Et si vous voulez ce disque, vous appelez le 04 22 91 98 68. Il faut être posé dans ces cas-là. Voilà. 04 22 91 98 68 et vous avez le tout premier album collector de Devil Joe qui s'appelle Singing the Good and the Bad. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va enchaîner sur quelqu'un qui a disparu, qui est parti un peu prématurément lui aussi en 2009. Je crois, oui, j'en suis sûr. Il s'agit de Willie DeVille, voilà, dont le groupe s'appelait Mink DeVille. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi le groupe avait plus ou moins le nom du. Parce que c'est un projet très très personnel. D'accord. Je reviens toujours sur cette. C'était un amoureux de la langue française. C'était un amoureux d'Edith Piaf. Et ah oui, il a des grosses références pour ce qui est de la culture française. Voilà. Et avant ces titres très hispanisants comme la reprise Hey Joe qui a fait un carton, il a écrit des albums fantastiques. Et je reviens toujours à ce disque quand je suis à Boogie, c'est Chat Bleu. Si vous le trouvez, achetez-le. Mink DeVille, c'était donc son groupe. Et après, il a tourné sous son nom, donc Willie DeVille. Exact. Je ne sais pas ce que tu as choisi, Dave, mais j'ai choisi une reprise, la reprise de Moon Martin qui s'appelle le Cadillac Walk. Mais je voulais faire un petit coucou à Pascal Cottier, encore lui. Voilà, quand un passionné de vinyle se met à vouloir grandir et à monter une sorte de magasin de disques dans sa grange, voilà, et qui est ouvert que deux ou trois samedis par mois, et chez qui on peut boire une bonne bière en écoutant de la bonne musique. Et ben, je te remercie Pascal de m'avoir fait redécouvrir Willie DeVille, et cet après-midi qu'on a passé à se passer des albums qu'on aimait bien. Et voilà, quoi, comme si j'avais de nouveau mes 15 ans, quoi, et je déboulais chez un pote avec une pile de vinyle, voilà. Je te remercie Pascal, et on écoute tout de suite Cadillac Walk sur le 89.5. Tattoo on the thigh. dead memories inside. Donald Bay, grown man, read a baby. Baby, honey, baby, you the one. Call your name, baby, right on my gun. Ain't that something nice? Bones rattle back. C'était un enregistrement live, j'ai pas la référence, je sais pas quel concert, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a énormément d'anthologies qui sont sorties sur ce musicien. Oui. Puis il faisait partie aussi, il faut bien le dire, de la scène punk du CBGB's à la fin des années 70. C'était un grand pote de Johnny Thunders, de Johnny Thunders, exact. Et il l'a vu à la Nouvelle-Orléans, juste avant la dose fatale. Et de Patti Smith, je crois aussi. Toute cette bande de... Et c'était vraiment un pote, voilà, Johnny Thunders, et c'est vrai que, je le répète, parce que il l'a bu juste avant la dose fatale, quoi. Oui. Après que Johnny Thunder se soit mis cette saloperie dans les veines. Donc, ouais. Willie DeVille, Mink DeVille, allez gratter, puis vous trouverez pas mal de très très belles choses. Johnny Thunder, on pourra en repasser un de ces quatre, hein, si vraiment on sait pas quoi passer, ça c'est bon aussi. Ouais. On continue, on termine tranquille avec un morceau de Chuck Berry, Let It Rock, par un guitariste aussi qui aime le rock'n'roll, qui adore le blues, qui paraît parfois pour un bourrin, mais qui connaît énormément la musique américaine. C'est vrai qu'il a cette réputation, ouais. La preuve en est avec ce disque qui est un hommage à Chess Records, le studio de Muddy Waters, Dolin Wolf. Mm-hmm. Tu vois, la boucle est bouclée, on en parle au début de l'émission. Ça. Et Let It Rock, Chuck Berry, par George Thorogood, ce petit gars du Delaware qui aurait pu être aussi un grand joueur de baseball, mais qui a choisi la musique, et tant mieux pour nous. In the heat of the day, Chess Record, George Thorogood et les Destroyers du Delaware. C'est ça. Ok, l'émission se termine tranquillement. Il faut savoir, David, que chaque fin d'émission, Muriel nous fait le plaisir de choisir un morceau qui n'est pas du répertoire blues ou rock'n'roll, mais un petit coup de cœur. Donc Muriel, c'est à toi, tu vas nous parler un peu de cet artiste. Voilà. Et puis surtout ce qu'elle représente pour toi. Ouais. Donc Isia, donc fille d'Igelin. Et voilà, j'ai eu l'honneur de lui faire un gros câlin à Igelin lors d'un concert à Tarare. Voilà. Donc, c'était il y a longtemps ? Il y a 4 ans. D'accord. Voilà. Donc, je vous présente le morceau La Vitesse qui est de l'album éponyme. Année 2022, concert rock en scène à Paris. Voilà, merci Muriel. Et puis chaque mercredi, tous les 15 jours, on compte sur toi pour venir avec un morceau. Peut-être pas de blues. Oui, non, tu choisis. Voilà, j'aimerais bien. Voilà. Ça marche. David Murier, Véro Magali, merci à toutes et à tous. Merci. Ouais, merci. On se retrouve le 29 octobre. Exactement. Même lieu, même endroit, même heure. Bonsoir à tous. Et on ne laissez pas passer n'importe quoi entre vos oreilles. Hein. C'était un peu ça la maxime de l'émission. Exactement. Et j'embrasse mes petites Flavie et Léa, www.radioduo.org, 89.5 pour la bande hertzienne, comme on dit. Et merci aux auditeurs. Merci à tous. Merci aux auditeurs qui nous ont supportés. Merci. Merci à Véro à la technique. Merci. Au revoir. C'est parti. fait rien.